Dans son berceau de brume, aussitôt qu'apparut l'aurore aux doigts de rose, sa force et sainteté, le roi Alcinoos s'élança de son lit, et, le pilleur de Troie, le rejeton des dieux, Ulysse se leva. Sa force et sainteté lui montra le chemin pour gagner l'agora voisine des vaisseaux. Une fois arrivés, ils prirent siège ensemble sur les pierres polies. Quand le peuple accourut, l'assemblée fut complète, Alcinoos, prenant la parole, leur dit: Doges et conseillers de Phéasie, deux mots. Voici ce que mon cœur me dicte en ma poitrine. J'ai là cet étranger, dont j'ignore le nom. En ma demeure, après naufrage, il est venu. Mais nous arrive-t-il des peuples de l'aurore ou de ceux du couchant? Il prie qu'on le ramène et veut être fixé. Nous, comme à l'ordinaire, hâtons sa reconduite. Jamais, au grand jamais, on ne vint sous mon toit pour vivre dans l'angoisse, en attendant sans fin la journée du retour. Allons, vite, tirons à la vague divine un vaisseau préparé pour son premier voyage. Dans le peuple, levons 52 rameurs de vaillance éprouvée. Et qu'on aille chercher notre aide divin, notre démodocos, que la déesse a fait le charmeur sans rival, quel que soit le sujet où l'engage son cœur. 52 rameurs que l'on avait levés, suivant l'ordre du roi, descendirent au bord de la mer inféconde. Quand ils eurent atteint le navire et la mer, le nord-croiseur fut amené en eau profonde, puis, dans son noir vaisseau, on chargea mât et voile. Et l'on revint ensuite à la grande maison du sage Alcinoos, où tout était rempli, enceinte, entrées et salles. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, Ulysse et la visée dit à Démodocos: « C'est toi, Démodocos, que parmi les mortels, je révère entre tous, car la fille de Zeus, la muse, fut ton maître, ou peut-être Apollon. Mais allons, et dis-nous l'histoire du cheval de bois, et comment le divin Ulysse introduisit ce piège dans la ville avec son chargement des pilleurs d'Ilion. Si tu peux tout au long nous conter cette histoire, j'y ai dire partout qu'un dieu qui te protège dicte ton chant divin. » Il eut à peine dit que sous l'élan du dieu, Laède préludait, puis leur tissait son hymne. Il avait pris la scène au point où ceux d'Argos, ayant incendié leur tente, s'éloignaient sur les bancs de leur flotte. Mais déjà, aux côtés du glorieux Ulysse, les chefs étaient à Troie, cachés dans le cheval que les Troyens avaient tiré sur l'acropole. Le cheval était là, debout, sur l'agora. Assis autour de lui, les Troyens discouraient pêle-mêle, sans fin, sans pouvoir entre trois avis se décider. Les uns auraient voulu, d'un bronze sans pitié, éventrer ce bois creux, et d'autres le tirer jusqu'au bord de la roche pour le précipiter, et d'autres le garder comme une grande offrande qui charmerait les dieux. C'est par là qu'après tout, ils devaient en finir. Leur perte était fatale, du jour que leur muraille avait emprisonné ce grand cheval de bois, où tous les chefs d'Argos apportaient aux Troyens le meurtre et le trépas. Et Laède chanta la ville ravagée, et, jaillis du cheval, les Achéens quittant le creux de l'embuscade, et chacun d'eux pillant son coin de ville haute, et brave comme Arès, Ulysse accompagnant le divin Médélas, et tous deux affrontant la plus dure des luttes, et devant leur victoire au grand cœur d'Athéna. Mais tandis que chantait le glorieux Aède, Ulysse faiblissait, les larmes inondaient ses joues sous ses paupières. À toute l'assistance, il put cacher ses larmes. Le seul Alcinoos s'en douta, puis les vit, ils siégeaient côte à côte, et l'entendit enfin lourdement sangloter. Vite, il dit à ses bons rameurs de Phéasie: « Doges et conseillers de Phéasie, deux mots, c'est assez pour Laède. Laisse au Démodocos la cithare au chant clair, car peut-être ces chants ne plaisent pas à tous. Je vois qu'en ce repas, les sanglots de douleur n'ont pas quitté notre hôte depuis que s'est levé notre aide divin. Il faut qu'un grand chagrin ait envahi son âme. Donc, assez pour Laède. Inviteur, invité, je veux la joie de tous. N'est-ce pas mieux ainsi? Si nous sommes ici, c'est pour fêter notre hôte. Tout est prêt maintenant. Le départ, les cadeaux qu'à l'ami nous offrons. L'hôte et le suppliant ne sont-ils pas des frères? pour peu que l'on conserve au cœur quelque sagesse. Mais à ton tour, mon hôte, il faut ne rien cacher. Sans fête, réponds-moi, rien ne vaut la franchise. Dis-nous quel est le nom que là-bas te donnait, et ton père et ta mère, et tous ceux de ta ville et de vos alentours. Car jamais on ne vit qu'un homme fût sans nom. Qu'on soit noble ou vilain, chacun en reçoit un le jour de sa naissance. Aux enfants, sitôt nés, c'est le don des parents. Dis-nous quelle est ta terre et ton peuple et la ville. Où devront te porter nos vaisseaux phéaciens? Voyons point par point, sans feinte, conte-moi les lieux où tu iras, les contrées que tu vis, les mœurs des habitants, la beauté de leur ville. Était-ce des sauvages, des bandits sans justice, ou des gens accueillants qui respectent les dieux? Dis-moi, pourquoi ces pleurs? Et pourquoi ce chagrin qui remplissait ton âme en entendant le sort des héros d'Anaïn et des gens d'Ilion? Ulysse la visée lui fit cette réponse. Ah, par où débuter? Par où continuer? Et comment jusqu'au bout te conter les souffrances dont m'ont comblé les dieux, les habitants du ciel? Mais je veux commencer en vous disant mon nom. C'est moi qui suis Ulysse, oui, ce fils de Laërte, de qui le monde entier chante toutes les ruses et porte au nu la gloire. Ma demeure d'Ithaque est perchée comme une aire. Des îles habitées se pressent tout autour, mais au fond du Noroît sur la mer, mon Ithaque apparaît la plus basse. Elle n'est que rocher, mais nourrie de boga, cette terre. Il n'est rien à mes yeux de plus doux. Mais puisque tu le veux, c'est aussi mon retour que je m'en vais vous dire, et toutes les angoisses dont Zeus me poursuivit en revenant de Troie.